Un jeune châtelaine. Je vous défends, châtelaine, de courir seul au grand bois. M'y voici, tout hors d'haleine, et pour la seconde fois. J'aurais manqué de courage dans ce long sentier perdu, mais que j'en aime l'ombrage, mon Seigneur l'a défendu. Je vous défends, belle mie, ce rondeau vif et moqueur. Je n'étais pas endormie que je le savais par cœur. Depuis ce jour, je le chante, pas un refrain n'est perdu. Dieu, que ce rondeau m'enchante, mon Seigneur l'a défendu. Je vous défends sur mon page de jamais lever les yeux. Et voilà que son image me suit, m'obsède en tout lieu. Je l'entends qui par mes gardes, au bois s'est aussi perdu. D'où vient que je le regarde? Mon Seigneur l'a défendu. Mon Seigneur défend encore au pauvre enfant de parler, et sa voix douce et sonore ne dit plus rien sans trembler, qu'il doit souffrir de se taire. Pour causer quel temps perdu, mais mon page, comment faire? Mon Seigneur l'a défendu.